porte du corps de garde où tu es le temps. On fume, on jase, l'on regarde passer les passants. Sur la place, chacun passe, chacun vient, chacun va. Regardez donc cette petite qui semble vouloir nous parler. Voyez, voyez, elle tourne, elle hésite. À son secours, il faut aller. Que cherchez-vous, la belle? Je cherche un brigadier. Je suis là, voilà. Mon brigadier, à moi s'appelle Don José, le connaissez-vous? Don José, nous le connaissons tous. Vraiment, est-il avec vous, je vous prie? Il n'est pas brigadier dans notre compagnie. Alors, il n'est pas là. Charmante, non, ma charmante, il n'est pas là, mais tout à l'heure il y sera, oui, tout à l'heure il y sera. Il y sera quand la garde montante remplacera la garde descendante. Il y sera quand la garde montante remplacera la garde descendante. En attendant qu'il vienne, voulez-vous la belle enfant? Voulez-vous prendre la peine d'entrer chez nous un instant? Chez nous, chez nous, chez nous, chez nous. Entrez sans crainte, mignonne, je vous promets qu'on aura pour votre chère personne tous les égards qu'il faudra. Ce temps.